Yeah, en 0282, où se goûte Junior, fini l'alcool, le vol et la bœuf. Maintenant, je suis avec Jésus-Christ, mon frère, dans les hauts lieux. J'ai compris que ma destinée, c'est de vivre, bien sûr, dans les cieux. Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Jésus est mon numéro 1. Jésus est mon numéro 1. Le bien, Jésus a vaincu le mal à la victoire dès le matin. Jésus c'est mon destin, pareil pour les frangines et les frangins. Le bien, écoute-moi partout, BBC, Evie, Africa numéro 1. Jésus est mon numéro 1. Maintenant je viens sortir la jeunesse sacrée de la musique de pourriture. Le rap gospel, pur saint, chant spirituel nature. Jaloux, j'arrive à l'heure où tu ne croyais plus me voir. Je ne rappe plus pour le désespoir. Le Messie Jésus-Christ est mon espoir. Les mythomanes sortent des albums incapables d'éduquer. Et des jeunes se perdent à cause de leur sincérité. Mondain, indépendant et major, porté, transporte la mort. La vérité s'appelle Jésus, ignorant sans tous les ports. Des démons au corps, récompense, diamant, platine et l'or. Faire des hommes pour une place en enfer, nombreux l'ignorent. Succès, célébrité, publics entre eux-mêmes, ils se dévorent. Dommage pour les sauvages, échangés, je tourne les pages de ma Bible. Pour être sage, me voilà en démarquage. J'ai chemise bon vivant, sur un état de putréfaction. Attention à mes métaphores, elles servent à l'évangélisation. Tu reviens, Jésus, sauve l'éternité, Jésus a eu sa résurrection. Le bien, Jésus a vaincu le mal à la victoire dès le matin. Jésus c'est mon destin, pareil pour les frangines et les frangins. Le bien, écoute-moi partout, BBC, Evie, Africa numéro 1. Jésus est mon numéro 1. Le bien, Jésus est mon numéro 1. Jésus est mon numéro 1. Au final, il se pose la question de savoir qui est le bien. C'est Jésus, le nom attaqué, critiqué, je suis chrétien. Je te parle sans faire du mal, je suis pas un sujet de scandale. J'encourage pas l'immoral, stop, test mes cordes vocales. Sans ses consciences et mon comportement, mes paroles à l'oral. Mon rôle, Jésus me l'a donné avec amour, je sais pardonner. Pour moi, Dieu l'a fait, tu le goûtes du sel, laisse-moi t'assaisonner. Faut pas trembler, pas paniquer, faut pas stresser. Faut m'écouter, méditer la voix anticipée. Parce que peut me bloquer, t'as même plus ses réponses, juste ok. Le sauveur avec qui Satan, Jésus-Christ pour toujours. J'enterre les musiques qui se perversent dans les alentours. Je suis créé à l'image de Dieu, sans problème, j'ai de l'amour. Poussi goûte, junior, mon âme, aïe, pipo, c'est mon retour. Je suis sans précipitation, écoute, vois bien mon témoignage. Adorateur chrétien, Jésus le sage, à vous écoute vos sabotages. C'est quoi ces stars, mais quelle star. Parce qu'il amène ma jeunesse sacrée de l'éternel et ça dans le désespoir. C'est Jésus, avant le corbillon, le salut, je ne jette pas avec des milliards. Je tiens la parole de Junior Star, adore Jésus, aka Morning Star. Le bien, Jésus a vaincu le mal à la victoire dès le matin. Jésus c'est mon destin, pareil pour les frangines et les frangins. Le bien, écoute-moi partout, BBC, Evie, Africa numéro 1. Jésus est mon numéro 1. Pourquoi t'as peur? C'est le propriétaire du rap gospel. Je ressens ma délivrance, ça me fait du bien à la cervelle. Comme Kip Junior, je vais crier Jésus dans les ruelles. Et bah du sublime, c'est le au cas où Jésus t'appelle. C'est le genre de la mort du rap pervers entre la terre et le ciel. À ma seule dividie, vicidicidie, j'ai des brûles à la poubelle. Pour la jeunesse sacrée, Jésus donne la vie éternelle. À ma seule dividie, vicidicidie, j'ai des brûles à la poubelle. You know, franchement, depuis des années, les stars du monde sont possédés. Le hip-hop, alcool, drogue, pédophile, lesbienne et pété. Certains baptisent avec le diable et marabout, un monde fou. Les aveugles conduisent des aveugles, c'est pour terminer dans le trou. Ramène mon nouveau cantique gospel, louer l'éternel. Comme le roi David, j'innove rapide de ma jeunesse en rite. Comme mon Dieu, je vais te limiter, amen. Surtout pas stupide, je marche la puissance de Satan. Merci Jésus, je suis lucide. Pourquoi t'as peur? C'est le propriétaire du rap gospel. Trop ça m'a délivrance, ça me fait du bien à la cervelle. C'est le jour de la mort du rap pervers entre la terre et le ciel. À ma solide, bibi, bibi, j'ai les brûlés à la poubelle. rappelle. Le bien, Jésus a vaincu le malin, la victoire dès le matin. Jésus c'est mon destin, pareil pour les frangines et les frangins. Le bien, écoute-moi partout, BBC, LV, Africa numéro 1. Jésus est mon numéro 1. C'est quoi ces stars, mais quelle star. Toi ce qui amène ma jeunesse sacrée dans les ténèbres et ça dans le désespoir. Pourquoi t'as peur? C'est le propriétaire du rap gospel. Tout ça ma demi-fond, ça me fait du bien à la cervelle. Comme qui tu viens, je vais crier Jésus dans les ruelles. T'es pas du subis, fais-le au cas où Jésus t'appelle. C'est le genre de la mort du rap pervers entre la terre et le ciel. La main sur divi, je les brûle à la poubelle. Le bien, Jésus est mon numéro 1. Je suis créé à l'image de Dieu, ne me compare pas à une musaraigne ou un chien. Le bien.